Et voici venu le moment d'approfondir nos connaissances, l'occasion de nourrir nos idées, le temps du plaisir d'apprendre. C'est l'heure de l'éloge du savoir. Christine Goémé, bonjour à tous. Aujourd'hui, les cours du Collège de France. Pierre Auzan-Vallon, titulaire de la chaire Histoire moderne et contemporaine du politique au Collège de France, a consacré en 2014-2015 son cours annuel au pouvoir exécutif en démocratie. Ce cours que vous pouvez écouter sur le site de l'Éloge du Savoir et sur celui du Collège de France était accompagné, selon l'usage, de séminaires constitués d'exposés suivis d'une discussion. Hier matin, nous avons entendu la première partie de l'exposé d'Antoine Lilti sur célébrité et popularité au XVIIIe et XIXe siècle, qui reprend les principaux points de son livre récemment paru, Figure publique, l'invention de la célébrité 1750-1850, publié chez Fayard. Parce que nous vivons dans un présent souvent sans profondeur historique, nous n'imaginons pas que ce qui nous paraît être le propre de notre modernité existe en réalité depuis fort longtemps. L'un des petits plaisirs de l'historien est de démonter ses préjugés. Il en va ainsi, expliquait hier Antoine Lilti, pour le phénomène de la célébrité. Gala et Closer ont des prédécesseurs bien plus anciens que ce que nous imaginons. Même la reine Victoria, qui fut, s'il en est, une souveraine médiatique, mettant et laissant mettre en scène sa vie privée, comme la famille régnante actuelle, peut sans doute être présentée comme un point de départ d'une culture de la célébrité, mais elle en est aussi un point d'arrivée. C'est en effet au milieu du XVIIIe siècle qu'on peut en saisir les premiers symptômes, avec des figures comme Benjamin Franklin ou Marie-Antoinette. Ce matin, Antoine Lilti poursuit son exposé en parlant de la célébrité sous la Révolution puis sous l'Empire, avant la discussion qui clôt ce séminaire. Écoutez. Barnave écrivait « Qui plus que la reine a dans son personnel ce qu'il faut pour s'emparer de ses dispositions du public ? N'a-t-elle jamais connu cette brillante popularité ? Si l'opinion a changé, au moins elle n'a jamais été à l'indifférence. Et lorsque le cœur ne s'est point refroidi, il est toujours possible de le ramener. » Vous voyez, c'est très intéressant parce qu'il y a cette idée qu'on est ici d'un côté de la chaleur des cœurs et que finalement, l'impopularité d'une personne célèbre est plus proche de la popularité que cette question de l'indifférence. Alors la popularité qu'évoque Barnave pour engager la reine à la reconquérir, c'est un concept politique qui va jouer un rôle très important sous la Révolution, mais un rôle qui a souvent été inaperçu par les historiens, je veux dire. Au sens où elle propose, là, ici, dans ce que propose Barnave, c'est de renouveler la légitimité royale sur la base d'un lien affectif avec le nouveau souverain, le peuple. Un ressort politique qui, parce qu'il est fondé sur la sensibilité, sur un attachement affectif, semble à Barnave particulièrement propre à être activé par une femme, à condition que celle-ci, c'est la seule chose qu'il lui demande, manifeste un attachement inconditionnel à la Révolution. Et vous savez bien que c'est ce que Marie-Antoinette va refuser de faire. Le reste, disait Barnave, est affaire de politique, ou plus exactement de publicité. Il écrivait « On fera tout pour ramener les cœurs à elle ». Alors donc, Marie-Antoinette, en raison de son hostilité à la Révolution et de son manque total de sens politique, n'a pas su saisir cette possibilité. Mais la notion de popularité qu'utilise Barnave était, il ne l'utilise pas pour rien, elle était un enjeu important pour les révolutionnaires. Je rappelle qu'au XVIIIe siècle, encore, le terme désignait le caractère populaire d'un individu ou d'un goût. Être populaire, c'est aimer le peuple, et non pas être aimé par le peuple. C'est affecter, par exemple, de parler comme le peuple. On disait d'un noble, par exemple, qu'il est populaire, ça veut dire qu'il fait semblant, il affecte de parler comme le peuple. Mais en 1798, on voit apparaître, dans le dictionnaire de Féraud, qui est un des dictionnaires plus tardifs de l'Ancien Régime, le sens nouveau qu'il dénonce comme un anglicisme et qui est celui qui est aujourd'hui le nôtre, la popularité, c'est le fait d'être aimé du peuple. Et c'est cet usage qui va s'imposer pendant la Révolution. On parle de la popularité de Mirabeau ou de Lafayette, en général pour s'inquiéter des risques qu'elle recèle, ou encore, à l'inverse, Madame de Staël, fille de Necker, reproche à Mirabeau de s'être acharné à dépopulariser son père. Néologisme intéressant. Et quant à Robespierre, il reproche à ses adversaires de chercher la popularité en flattant le peuple, hein, et prend ses distances vis-à-vis de cette recherche de la popularité. La popularité des chefs révolutionnaires, prise dans le jeu politique, devient un enjeu important, mais la notion leur reste un peu mystérieuse. L'Ami des Patriotes, un journal révolutionnaire rédigé par un avocat patriote modéré, lui-même député aux États généraux, consacre un grand article à cette question difficile. Qu'est-ce que la popularité ? Alors, vous avez mis la citation. L'article définit d'abord la popularité par la faveur publique. Et donc, la faveur publique, c'est un terme intéressant parce que, qui est plus courant à l'époque et qui s'inscrit dans le vocabulaire politique classique, celui de la faveur. L'homme populaire est le favori du peuple, comme il y avait autrefois des favoris du roi. Le goût du peuple est ainsi connoté négativement à travers cette comparaison. Tout l'article s'efforce ensuite d'opposer la popularité à l'opinion publique. D'un côté, avec la popularité, on a l'excès des passions, voire la manipulation des opinions, qui relève d'engouement collectif à la fois soudain et éphémère, alors que l'opinion publique, elle, qui est appelée aussi estime publique, repose sur un jugement rationnel et durable. L'opinion publique est toujours plus ou moins réfléchie, la popularité ne l'est jamais. Le temps affermit l'opinion publique, elle devient presque toujours l'opinion de l'histoire, le temps détruit la popularité, il n'y a pas encore d'exemple d'homme qui l'ait conservé jusqu'à la mort. Alors, vous voyez, on retrouve ici une opposition qui rejoue dans l'ordre politique l'alternative entre la célébrité et la gloire dans l'ordre culturel, où la célébrité est toujours dévalorisée car fugitive et excessive, fondée sur la curiosité des masses, l'enthousiasme des masses, et non sur le véritable mérite que seule la postérité peut juger. Alors en fait, c'est une opposition qui est très ancienne et qui remonte dans l'ordre politique, qui remonte au moins à Cicéron, et qui a été d'ailleurs réactivée depuis la Renaissance, en travers la différence entre la gloire, liée à la postérité et au mérite, et la simple fama, comme disait Cicéron, qui relève de l'éclat, de l'arbitraire et du temps court. Mais évidemment, l'auteur de l'article est embarrassé parce qu'il ne peut plus, au cœur de la Révolution française, se contenter de disqualifier l'avis de la populace, comme le faisait Cicéron, et renvoyer au seul jugement des hommes sages et de la postérité. Comment distinguer ces deux publics ? Celui qui accorde à la légère sa faveur aux hommes célèbres, et celui qui juge sereinement de leur mérite. Comment concilier le principe de la souveraineté du peuple, et a fortiori le principe électif, et le soupçon que la faveur populaire est arbitraire et trompeuse, aussi capricieuse que la faveur des princes ? La solution que propose l'article, c'est la fin de la citation, se situe dans la perspective classique de l'optimisme des Lumières, cette idée que le développement d'un véritable espace public doit permettre au peuple de former un jugement plus juste. La liberté de la presse, en éclairant le peuple, va le transformer en un véritable public. Il ne faut plus s'y tromper, la popularité va changer de cours, l'influence des applaudissements gagés, l'influence des halles va diminuer sans cesse. Alors, c'est un bel optimisme. Évidemment, nous, on a avec le 2 siècles de recul, il nous apparaît un peu illusoire, car nous savons bien que le développement de la presse et des médias est au moins autant au service des mécanismes de la célébrité que de jugements plus réfléchis et distancés. Les lecteurs des journaux ne sont pas nécessairement immunisés contre les engouements collectifs. Ça dépend d'ailleurs des journaux qu'ils lisent. En réalité, l'essor de la presse et plus généralement des médias est un des facteurs de la nouvelle culture de la célébrité dont se nourrit la popularité politique. Au fond, dans la réflexion révolutionnaire sur la popularité, se mêlent deux thèmes. Premièrement, l'ambivalence fondamentale du peuple. Ça, c'est quelque chose de bien connu, cette tension entre une réalité sociologique, celle d'individus désirants, pétris de préjugés et de passions, et de l'autre côté, un idéal politique, celui du sujet rationnel de la souveraineté démocratique. Alors, c'est une difficulté, évidemment, ici, vous le savez parfaitement, qui hante les théories démocratiques. Mais il y a une deuxième ambivalence, deuxième ambiguïté, c'est l'ambiguïté des médias et de la presse. Sont-ils les instruments d'une éducation du peuple et donc d'une formation, de la formation d'une opinion publique critique, comme le pensait Kant et la plupart des grands auteurs des Lumières, pensez à Condorcet, pour prendre un contemporain exact, ou sont-ils au contraire les vecteurs d'une culture de la célébrité, les instruments de propagande au service de la popularité individuelle ? Si quelqu'un, dans les premières années de la Révolution, a parfaitement incarné ces contradictions de la popularité révolutionnaire, c'est Mirabeau. Celui-ci, il faut le rappeler, n'est pas un inconnu en 1789. C'était déjà une célébrité scandaleuse et littéraire, un noble déclassé qui avait défrayé la chronique des mœurs et qui était l'auteur de plusieurs ouvrages libertins et de pamphlets politiques. La Révolution lui a donné l'occasion de transformer cette célébrité scandaleuse en popularité politique. Comme François Furet l'avait bien vu, Mirabeau est le premier à comprendre la Révolution, à en tirer tout le parti et à en proposer une incarnation. Encore faut-il préciser que cette extraordinaire capacité d'incarnation se déploie sous deux formes. D'une part, Mirabeau réussit à incarner le principe de la souveraineté populaire, grâce notamment, évidemment, à son fameux mot au marquis de Drebrézé sur la volonté du peuple et la force des baïonnettes, puis grâce à son éloquence politique qui fait de lui l'orateur le plus prolifique et le plus influent de la Constituante. Mais il incarne aussi la Révolution d'une autre manière. Il l'incarne par sa puissance théâtrale, par son sens extrême de la mise en scène, par sa capacité à jouer sans cesse de la célébrité. Mirabeau est un acteur. Il est un acteur toujours en représentation. Il répète ses discours devant un miroir, en scandant son nom. Il joue de son physique pour impressionner ses adversaires et pour fasciner le public. Cette théâtralité, on en a des dizaines de témoignages. Malheureusement, évidemment, les historiens de la Révolution française ont rarement trouvé qu'il s'agissait d'un objet suffisamment légitime, alors que c'est évidemment absolument fascinant. Cette théâtralité de Mirabeau, il faut bien voir qu'elle est inhérente à la vie politique révolutionnaire, dont on se fait parfois une image un peu trop sérieuse, austère ou éthérée. N'oubliez pas que les spectateurs à l'Assemblée étaient extrêmement présents et ils n'étaient pas du tout silencieux comme le public aujourd'hui de l'Assemblée nationale. Ils applaudissaient, ils sifflaient comme au théâtre. Il leur arrivait d'interrompre les orateurs, de manifester leurs émotions, ou tout simplement d'être là comme à un divertissement. Même pendant des spectacles aussi graves que le procès du roi sous la Convention, des spectatrices dégustaient des glaces dans leur loge en applaudissant les débats et les orateurs les plus éloquents. Ainsi, l'Assemblée est aussi un lieu de spectacle. Et la porosité est très grande entre le théâtre et la vie politique pendant ces années-là. D'un côté, les théâtres étaient de plus en plus considérés comme une affaire politique importante, au service de la régénération culturelle de la nation et des projets politiques de la Révolution. De l'autre, les assemblées elles-mêmes étaient à la fois des instances de délibération politique, où se jouait l'avenir collectif de la nation, mais aussi des spectacles passionnants, dont les principaux protagonistes étaient les véritables vedettes. Alors, dire ça, insister sur cette proximité qu'a très bien mise en lumière d'ailleurs l'historien américain Paul Friedland dans un livre qui s'appelle Political Actors. Insister sur cette proximité, ce n'est pas réduire la grandeur de la Révolution, c'est rappeler que la politique spectacle n'est pas forcément ou pas entièrement une dérive contemporaine, mais un élément clé de la représentation publique et du débat démocratique. L'espace public, l'espace démocratique plutôt, ne remplace pas le spectacle du rituel monarchique par une délibération abstraite, mais par un autre type de spectacle où les citoyens sont à la fois acteurs et spectateurs. La politique a aussi besoin d'un public. Par ailleurs, Mirabeau est un maître de la communication politique. Dès les États généraux, il publie un journal pour faire connaître son action, il se fait peindre, il fait diffuser son portrait, notamment il va s'attacher les services d'un peintre, qui s'appelle Bose, et qui va à la fois... Alors, premier portrait, donc l'esquisse que Bose fait pour le portrait de Mirabeau, qu'il va ensuite reprendre, et qui va lui permettre à la fois de faire un portrait en buste, mais aussi un portrait en pied, dont je vous ai mis une représentation gravée, c'est-à-dire cette fois une représentation qui pouvait circuler beaucoup plus largement et qui représentait Mirabeau dans le grand moment, justement, des États généraux. Si on zoomait, là, le livre qui est par terre au pied de Mirabeau, hein, c'est justement « Réponse de M. de Mirabeau au marquis de Drebrézé ». Donc, vous voyez, ce grand moment, il a immédiatement fait circuler des images pour figer ce moment de son rôle politique. Mais, et c'est d'autant plus important pour lui, qu'en 1789, son image était encore très largement entachée de scandales. Il était très connu, mais pas forcément pour de bonnes raisons. Et à son arrivée aux États généraux, il est hué par une partie du public. Comme écrivit plus tard son ami Étienne Dumont, à son arrivée aux États généraux, l'insulte et le mépris lui montrèrent quelle célébrité était la sienne. Vous voyez, cette célébrité, cette ambivalence de la célébrité. Il peut être aussi célèbre comme figure scandaleuse. Mais il va évidemment réussir à retourner cette célébrité scandaleuse en popularité, même si évidemment celle-ci sera toujours très fortement contestée par ses adversaires. Le personnage public fasciné, y compris sa vie privée et ses liaisons amoureuses. On publiera sous la Révolution, sans énormément de succès, les lettres de Mirabeau à sa maîtresse. Là, de ce point de vue-là, l'affichage, vous savez qu'en fait, l'affichage de la vie privée des figures politiques, contrairement à ce qu'on pourrait croire, était beaucoup plus important à l'époque et dans une partie du XIXe siècle qu'aujourd'hui, tout simplement, puisqu'il y avait très peu de lois qui les réprimaient. Sa maladie, par exemple, fut commentée au jour le jour, et ses médecins devaient publier plusieurs fois par jour un bulletin de santé qui a été repris dans les journaux, et dans lequel on retrouvait d'ailleurs un mélange de théâtralité et de communication. Talleyrand disait avec ironie, il a dramatisé sa mort. Voilà, c'est un assez beau mot. Et finalement, cette mort, le 2 avril 1911, suscite une émotion considérable qui allait au-delà du simple événement politique. Comme vous le savez, la popularité de Mirabeau ne résistera pas longtemps après sa mort, puisque les révélations sur ses liens avec le roi, un an et demi plus tard, vont totalement modifier son image publique et conduire à sa dépanthéonisation. Et vous voyez, on retrouve ici les limites de la célébrité. Celle-ci est tributaire du temps court et des soubresauts des passions politiques. Et donc, la tentative de confondre la célébrité et la gloire en transférant immédiatement la célébrité, la popularité politique de Mirabeau en gloire posthume, en le mettant immédiatement au Panthéon, évidemment, se heurte à, en réalité, le fait que la célébrité politique et la gloire ne sont pas la même chose. Et vous avez ce jeu de chassé-croisé entre Mirabeau et Marat au Panthéon. Alors, je ne vais pas développer ce point. Je voudrais plutôt terminer, évidemment, en évoquant Napoléon. Comment faire un exposé sur ce sujet sans évoquer Napoléon ? Ce sera forcément de façon très brève, puisqu'il me reste une dizaine de minutes. Partir pour Napoléon de ce passage magnifique de Madame de Staël dans les considérations sur les événements de la Révolution française. Lorsqu'elle apprend, elle raconte le moment, alors elle raconte après coup, mais elle raconte, donc évidemment quand elle le raconte, elle a derrière elle l'Empire. Mais elle raconte néanmoins, les mots sont importants, le moment où elle a appris un relais de poste par la bouche donc, d'un postillon, le 18 Brumaire, et la prise du pouvoir de Bonaparte. Et elle écrit, c'était la première fois depuis la Révolution qu'on entendait un nom propre dans toutes les bouches. Jusqu'alors, on disait l'Assemblée constituante a fait telle chose, le peuple, la Convention. Mais maintenant, on ne parlait plus que de cet homme qui devait se mettre à la place de tous et rendre l'espèce humaine anonyme en accaparant la célébrité pour lui seul et en empêchant tout être existant de pouvoir jamais en acquérir. Alors, évidemment, on est après l'Empire, mais justement, c'est très frappant que Madame de Staël n'utilise pas le terme de gloire à laquelle on a souvent associé Napoléon, cette idée que Napoléon aurait, à la fin du siècle des Lumières, réactivé l'idéal de la gloire militaire qui avait été tant contestée, aurait au fond été incarné la fusion du principe démocratique, ou en tout cas du principe méritocratique nouveau et du principe traditionnel de la gloire héroïque. Il y a du vrai là-dedans. Mais Madame de Staël utilise un autre mot. Elle est celui de la célébrité, ce spectre d'une tyrannie de la célébrité, d'un monopole complet de la célébrité. Et de fait, il y a deux façons de regarder la célébrité de Bonaparte. On peut la regarder justement au moment du 18 Brumaire, et dans ce cas-là, on insiste sur la façon dont Bonaparte a su parfaitement orchestrer sa célébrité militaire lors des dernières années du Directoire pour accéder au pouvoir. La célébrité comme instrument de légitimité pour un homme neuf. Mais au fond, si la grande célébrité de Bonaparte est indéniable, il est difficile de distinguer précisément le rôle qu'elle joue dans son succès politique en Brumaire, car beaucoup d'autres facteurs directement politiques ont joué, comme vous le savez bien. Et par ailleurs, il est difficile de la distinguer de la gloire militaire, qui est un ressort un peu différent. Il reste que Bonaparte a parfaitement su orchestrer cette célébrité, hein, notamment pendant qu'il est à l'armée d'Italie. Hein, il fait publier des journaux entièrement consacrés à ses victoires, il fait circuler son image, il la construit aussi comme une célébrité qui est non seulement fondée sur la gloire militaire, mais aussi sur ses ambitions savantes. Mais, en tout cas, il a su construire un principe très personnel du pouvoir, une sorte de fusion du principe monarchique traditionnel de l'incarnation du pouvoir et du principe nouveau de la célébrité médiatique. Mais il y a un second ressort de la célébrité de Bonaparte, ou plutôt un second point d'observation, qui est non plus le moment de Brumaire, mais plutôt le moment où Madame de Staël écrit ses considérations, qui est celui du Bonaparte déchu et de sa reconquête posthume de l'opinion. Et le texte fascinant et décisif dans cette optique, c'est le mémorial de Sainte-Hélène. Du mémorial de Sainte-Hélène, que je vais très très vite, là, manque de temps, mais je développe un peu longuement dans le livre, on a souvent retenu les récits de bataille et l'idée d'un texte de propagande bonapartiste, et donc d'un texte qui, justement, aurait construit la légende glorieuse et héroïque de Napoléon. Tout est défendant l'idée d'un programme politique du bonapartisme libéral. C'est vrai, mais il y a une autre dimension dans le texte, très efficace et très puissante, qui a beaucoup plus rarement été commentée. C'est le fait que le texte présente la vie quotidienne de l'empereur déchu à travers le regard empathique de Lascazes. Lascazes, qui est quand même le véritable auteur du livre et qui est un personnage à part entière du mémorial, pour tous ceux qui l'ont lu, vous savez à quel point Lascazes passe son temps à se mettre en scène comme interlocuteur de Bonaparte. Lascazes devient ici une véritable figure du fan politique, de celui qui se réjouit en permanence, malgré les malheurs politiques de Napoléon, se réjouit en permanence de cette expérience, de ce extraordinaire qui est la sienne, de vivre dans l'intimité de son héros. Il se met en scène en tant qu'admirateur de l'empereur, heureux de bénéficier de cette proximité privilégiée. Et il fait du coup vivre au lecteur, par procuration, ce rapport de cette tension entre proximité et distance, qui est donc, on l'a dit, au cœur de la célébrité, distance extrême, puisque à la fois parce que Napoléon est ancien empereur, parce qu'il est très loin, Sainte-Hélène, mais aussi proximité, notamment proximité par la puissance ici du récit. La conquête, la reconquête de la popularité passe paradoxalement par une forme de dépolitisation qui invite le lecteur à s'identifier, non pas à Napoléon lui-même, mais à Lascazes, dans cette figure d'admirateur. L'admiration, c'est une des nombreuses citations de Lascazes que je pourrais vous donner. « L'admiration me le fit suivre sans le connaître. L'amour me fixait pour jamais près de lui dès que je l'eus connu. » Vous voyez le passage de l'admiration, registre traditionnel de la gloire, à l'amour, qui est un registre quand même assez différent. L'univers est plein de sa gloire, de ses actes, de ses monuments, mais personne ne connaît les nuances véritables de son caractère, ses qualités privées, les dispositions naturelles de son âme. Or, c'est ce grand vide que j'entreprends de remplir ici, et cela avec un avantage peut-être unique dans l'histoire. J'ai recueilli, consigné jour par jour, tout ce que j'ai vu de Napoléon, tout ce que je lui ai entendu dire durant les 18 mois que j'étais auprès de sa personne. Vous voyez, sa proximité de la personne, amour, et faire vivre dans la proximité, le quotidien, les mots jour à jour de Bonaparte. On peut dire les choses aussi sous cette forme. Avec le mémorial, Napoléon a renoué avec la célébrité de ses débuts, celle qui faisait craindre à Madame de Staël une tyrannie de la célébrité. Il ne s'agit plus seulement de gloire militaire et politique, mais d'une capacité à capter toute l'attention et toute l'empathie publique. Une célébrité qui est donc en deçà de l'exercice traditionnel du pouvoir, Bonaparte n'est plus en exercice du pouvoir, mais qui est aussi au-delà, puisqu'elle lui survit, et qu'elle entre en concurrence avec toutes les autres formes de notoriété, notamment celle des écrivains et des artistes. Et c'est évidemment cela qui inquiète aussi Madame de Staël. Et vous savez que tous les écrivains du XIXe siècle, de Chateaubriand à Hugo en passant par Balzac, auront à cœur de se mesurer avec Napoléon et avec la façon que celui-ci a eu d'inscrire son nom et sa personnalité dans l'histoire. Deux mots de conclusion, car nous voici au fond revenus à notre point de départ. De la popularité posthume de Napoléon, il n'est pas difficile de passer à celle de son neveu, Louis-Napoléon, qui bénéficia tant de la légende napoléonienne et du nom de Napoléon, de la célébrité de son oncle. Dès son élection à la présidence de la République, puis sous le Second Empire, Napoléon III mit en œuvre une politique de visibilité et de proximité assez semblable de celle de Victoria, fait des visites à travers le pays, auxquelles la presse donne une forte visibilité. Le pouvoir plébiscitaire de Napoléon III reposait aussi sur la visibilité de l'empereur, sur son nom et son image, sur la mise en scène médiatisée de son corps. Ces liens du pouvoir politique et de la célébrité, qui remonte donc, j'espère vous l'avoir montré, au XVIIIe siècle, n'ont cessé depuis de s'approfondir et semblent s'être accélérés depuis les années 1960, de John Kennedy à Ronald Reagan aux États-Unis, jusqu'à Tony Blair en Angleterre, Nicolas Sarkozy en France, on pourrait les multiplier, sans que l'on sache toujours très bien s'il faut y voir la prise du pouvoir des communicants et du storytelling, le signe d'une dépolitisation contemporaine, ou une mutation des formes de la représentation politique. L'idée qui domine, il me semble, chez les théoriciens de la démocratie, est celle d'une perversion ou d'une menace, ou du moins, pour le dire comme Pierre Rosanvallon, de l'expression pervertie d'une demande et d'une offre de présence, fin de la citation, susceptible de retourner la démocratie contre elle-même. C'est encore partie de la citation. Mon parcours par le XVIIIe siècle apporte-t-il, c'est une question, apporte-t-il sur un éclairage nouveau ? Alors, sans que d'ailleurs que cela conteste du tout le jugement que je viens de rappeler, il me semble qu'il permet de rappeler que cette question de la visibilité médiatique des gouvernants est moins récente qu'il n'y paraît. Et ça a beaucoup de conséquences, car elle est moins une perversion actuelle de la représentation qu'une tension présente dès l'origine dans les démocraties modernes. Or, cette tension, comme j'ai essayé de l'évoquer avec la question de la popularité, a été immédiatement saisie et décrite. Elle a fait, dès le XVIIIe siècle, l'objet d'une double critique. L'une, classique, s'appuie sur la méfiance traditionnelle des républicains à l'égard du césarisme, de la concentration du pouvoir et du plébiscite populaire. La seconde critique porte sur les formes modernes de cette visibilité. Non plus l'acclamation du peuple réuni en foule, mais l'omniprésence médiatique auprès du peuple dispersé sous la forme d'un public. Ces deux critiques de la personnalisation du pouvoir ont souvent été confondues. Elles visent deux phénomènes à la fois solidaires et distincts, deux dangers possibles de la démocratie. L'un inhérent à sa dérive populiste, l'autre aux formes de communication modernes qui ont émergé en même temps qu'elle, en tout cas en même temps que sa forme moderne, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Cette ancienneté, plutôt cette double critique, nous indique que le recouvrement de l'espace public démocratique et de l'espace public médiatique n'est pas fortuit ou regrettable, il est au principe même de la politique moderne. Un des points de recoupement est justement cette notion de popularité qui a tant intrigué les acteurs révolutionnaires et qui, curieusement, il me semble, a peu fait l'objet, assez frappé là-dessus, d'une réflexion systématique du côté de la théorie politique. Aujourd'hui, elle est d'abord essentiellement un outil, notamment de l'analyse sondagière, de l'analyse de l'opinion politique, c'est les courbes de popularité. Mais comme outil pour penser ce recouvrement de l'espace public démocratique et de l'espace public médiatique, il me semble qu'il resterait un travail proprement, qui n'est pas du tout celui que moi je suis en mesure de faire, mais un travail proprement théorique et analytique à mener. Je vous remercie. Merci de cet exposé passionnant. Si je vous ai invité, c'est que je me sentais totalement en phase avec l'idée centrale de votre livre, c'est que les questions de la popularité et de la célébrité ont une longue histoire, premièrement, et deuxièmement, que cette longue histoire tient aux contradictions, aux ambiguïtés structurantes de la démocratie, et qu'effectivement, ces ambiguïtés structurantes concernant la représentation, ou à travers la représentation, il y a à la fois une demande de distinction et une demande de proximité. On veut à la fois que le représentant soit un double valorisant, en quelque sorte, des individus, et que le représentant soit en même temps une figure éminente. Et cette tension entre l'éminence et la proximité, elle est débattu en permanence, effectivement, pendant la Révolution, dans toutes les discussions sur la représentation politique elle-même. De la même façon, vous avez tout à fait raison, et là je partage à 100% votre point de vue, raison d'insister sur les tensions sur la figure du peuple. Le peuple qui est à la fois le sujet collectif raisonnable et en même temps le sujet de la diversité des passions. Et ça, c'est justement, Mirabeau avait fameusement discuté cette question au moment où il s'est agi de donner une dénomination à l'Assemblée nationale à la fin des États généraux. Il est intervenu de façon très, très vigoureuse dans ce débat, et avec tous ceux qui pensaient que le mot « peuple » disait à la fois « trop » et « trop peu », disons. Donc vous avez à la fois tout à fait raison d'insister sur cette deuxième dimension des contradictions. Contradiction aussi sur le sens même de ce que veut dire l'opinion et le public. Et vous n'avez pas cité le nom de l'auteur du Patriote français, parce que les articles du Patriote français sont anonymes, mais c'est Brissot. C'est Brissot qui est le grand théoricien, justement, enfin, je pense, le plus grand théoricien de l'opinion pendant la Révolution. Donc je suis tout à fait d'accord avec tous ces éléments-là, et je trouve que votre livre a tout à fait raison et amène à rompre, je dirais, avec les lectures un peu superficielles de la médiatisation qui pense qu'au fond tout ça est né très, très récemment. Et que je pense que pendant votre travail, vous êtes abonné à Gala, Voici, à Closer, et que vous avez en permanence fait l'aller-retour avec le XVIIIe siècle. Moi, quand j'étais en train d'écrire mon livre sur la légitimité démocratique, les chapitres sur la proximité, moi aussi, je lisais ces journaux toutes les semaines. Et ce qui était effectivement frappant, c'est de voir que dans cette notion de célébrité, il y avait à la fois la distance, mais des personnages qui étaient approchés par leurs plus petits aspects. Et le tableau et les gravures que vous avez représenté du lever de Voltaire, eh bien, c'est tout à fait effectivement ces journaux-là. Mais pour lancer, là, c'est pour dire donc que sur votre approche générale, je me sens tout à fait en phase avec vous. Mais il me semble tout de même qu'il y a des questions à se poser. Je commencerai à les poser à partir de la citation célébrissime de Madame de Staël que vous avez faite. Et vous auriez pu aussi citer dans ce même livre, qui est écrit effectivement au moment un peu difficile de l'Empire, c'est vers 1810-1812 qu'elle écrit ces pages, où elle parle de cet individu qui a mis son moi gigantesque à la place de l'humanité. Mais effectivement, ce qui apporte, ce qui fait un changement considérable à cette époque, et c'est une tension dont vous ne parlez pas beaucoup et qui, moi, m'intéresse, c'est cette tension entre la demande d'impersonnalité et le recours, au contraire, à la personnalisation dans la démocratie. Parce que tout le mouvement de la Révolution a été pour, à la place, justement, du pouvoir personnel du monarque, mettre en place un pouvoir relativement impersonnel. Et une des caractéristiques du pouvoir exécutif révolutionnaire, c'est que c'est un pouvoir exécutif collégial. Puisque au moment même où on passe à la République, à l'été 1792, il est question à un moment de parler d'un président de la France, et l'idée est tout de suite repoussée. De la même façon, quelques semaines avant que Bonaparte ne prenne le pouvoir, Barras disait, est-ce qu'il ne faudrait pas mettre en place un président de la République ? Et là aussi, c'est très fortement repoussé. Et donc, j'ajouterai à votre description, j'aimerais que nous parlions un petit peu de cela, cette opposition entre une attente d'impersonnalité dans la démocratie et un passage à la personnalisation. Et à ce moment-là, je ferai la remarque suivante, c'est que le passage à la personnalisation dans les démocraties était considéré comme un problème tout au long du XIXe siècle et pendant la période révolutionnaire, et il n'est devenu acquis qu'au fond à partir du gaullisme, à partir des années 60, progressivement. Les personnages que vous avez cités, au fond, toutes les célébrités sur lesquelles vous avez réfléchi, il y a deux grandes catégories. Il y a ceux qui sont des artistes, des écrivains, ou des personnages dont l'importance morale ou symbolique, comme Wilkes ou bien Benjamin Franklin, est importante. Et pour les autres, ce sont des souverains. Vous avez commencé à nous parler de Victoria, terminé par Napoléon, en parlant du neveu également. Et est-ce qu'au fond, là, il n'y a pas une grande distinction à faire entre une tension autour de la célébrité, qui est une question générale de la modernité, et puis la personnalisation même des démocraties, qui ne vient qu'avec le fait d'avoir l'exécutif élu au suffrage universel, ce qui n'existe pas à ces moments-là. Si on prend une figure comme celle de Napoléon III, par laquelle vous avez terminé, Napoléon III, il incarne très bien, je crois, tous les dilemmes et les tensions de la célébrité que vous avez dit. Tout à fait. Et il est à la fois quelqu'un qui veut champion d'une politique de la proximité. Là aussi, les images d'Épinal reproduisent la vie familiale à un grand nombre d'exemplaires. Le parallèle avec Victoria est très, très intéressant à cet égard. Et chez lui, toutes ces tensions structurantes, on les sent tout à fait présentes. Mais après, lorsque l'Empire tombe, Gambetta, un des premiers mots qu'il prononce, c'est de dire que les républicains doivent se méfier des personnalités excessives. Et donc, c'est l'impersonnalité qui reprend en quelque sorte le pouvoir. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas distinguer dans votre travail ce qui est la réflexion générale sur la tension entre proximité et distinction dans la démocratie, et puis le phénomène spécifique de la personnalisation du pouvoir, qui pour moi est tout à fait différent. Vous avez tout à fait raison d'insister sur la continuité. Au fond, la seule chose qui change entre le XVIIIe siècle et aujourd'hui, qui change vraiment, on va en dire deux mots après, j'espère, c'est Internet. Parce que là, c'est, effectivement, c'est un type de média, ce n'est même pas un média. C'est une forme sociale inédite. Mais entre les journaux des années 60 et tout ce que vous avez étudié, bien sûr, il y a des différences de volume, de circulation, de choses comme ça. Bien sûr, la télévision a amené un supplément d'images. Mais on peut dire que sur le fond de la conceptualisation, vous êtes tout à fait fondé à dire qu'il y a une continuité, alors qu'on insiste sur la rupture. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais est-ce qu'il ne faut pas faire la différence entre cette analyse, je dirais, presque culturelle et anthropologique de la modernité et le phénomène spécifique de la personnalisation en politique, qui n'est pas la célébrité seulement. Personnalisation en politique n'est pas célébrité. Merci beaucoup. C'est évidemment des remarques extrêmement précieuses. Alors d'abord, je vais commencer par la fin. Enfin, je vais reprendre le questionnement en repartant de la fin. Et sur ce que vous disiez à l'instant, là, sur la continuité, c'est notre point d'accord sur la continuité des formes, finalement, des médias depuis le XVIIIe siècle. Je crois beaucoup, donc il y a un des chapitres du livre que j'ai intitulé de manière un peu provocatrice « Une première révolution médiatique sur le XVIIIe siècle », pour forcer un peu le trait, mais parce que j'y crois beaucoup et parce que je pense que la plupart des théories de la modernité, ou même simplement la manière dont les historiens pensent la modernité, les transformations en lien avec le XVIIIe siècle, insistent sur des choses qui sont très vraies, qui sont les transformations sociales, les transformations urbaines, transformations politiques, transformations économiques, etc. Mais que la transformation absolument fondamentale au cœur quand même d'une sociologie ou d'une anthropologie de la modernité, qui est celle de la multiplication des interactions médiatiques et de ses conséquences sur l'ensemble des champs d'activité, aussi bien sur l'activité culturelle, le monde culturel, que sur la gestion des relations, des notoriétés sociales et des réputations que sur le champ politique, on y vient, a été, je dirais quand même, plutôt sous-étudiée. Et d'ailleurs, la sociologie traditionnelle, classique, dont la grande question était, enfin, j'ai un sujet du début du XXe siècle, dont la grande question était la question de la modernité, finalement, il me semble, n'a pas donné toute sa part à cette question des transformations, des formes d'interaction médiatique. Donc je suis content et je pense qu'effectivement, on a là une grande continuité qui permet de penser. Alors, elle permet de penser quoi ? Elle permet justement, à mes yeux, de penser ce qu'il y a de commun dans toute une série de sphères de l'activité sociale et politique. Alors, évidemment, je suis tout à fait d'accord avec vous, vous avez raison de dire qu'il y a une grande partie des débats que j'évoque qui sont en partie, qu'on peut en partie ramener à cette question spécifique qui est celle, pour dire vite, des contradictions inhérentes à la théorie du régime représentatif, de la représentation. Vous-même, vous l'avez bien montré, Bernard Manin, sur lequel je m'appuie, a très bien montré aussi ce... qui a à la fois ce principe, il y a toujours à la fois un principe démocratique et un principe, au fond, aristocratique dans la représentation. Bon. Donc, cette tension et donc le besoin de proximité que ça implique pour quand même faire fonctionner ce modèle représentatif est évidemment très présent dans ces éléments de discussion. Mais est-ce qu'il faut l'autonomiser ? Est-ce qu'il faut, une fois qu'on a reconnu qu'il est spécifique, et d'ailleurs qu'il prend des formes très différentes, parce que pour la période qui m'intéresse, évidemment, si on prend la Révolution française, il prend cette forme d'une méfiance très grande dans la tradition républicaine jusqu'à la Ve République pour la personnalisation du pouvoir, mais on a le modèle parallèle qui est celui de la Révolution américaine et qui est celui de Washington, qui, là, produit une tradition républicaine aussi, démocratique, mais qui n'a pas du tout le même rapport à la question de la personnalisation du pouvoir, pour toute une série de raisons qu'on peut analyser. Donc, voilà, on peut l'étudier comme un phénomène politique relevant de l'histoire politique et de la théorie politique, comme ça, d'ailleurs, a été fait, bien fait. Mais ce que j'essaie, justement, il me semble que ça a un inconvénient, c'est de qui est le reproche que moi je ferai des fois à l'histoire politique ou à la théorie politique, qui est de purifier à l'extrême le politique dans sa théorisation, sa conceptualisation, et du coup ensuite de s'étonner de voir des éléments qui ne relèvent pas de la théorie politique au cœur des fonctionnements de la démocratie, et donc de les condamner comme des formes d'impureté. Et il me semble que c'est la façon, par exemple, dont très souvent on pense l'intrusion des mécanismes de la célébrité, justement, dans le champ politique, comme quelque chose qui serait forcément de l'ordre de l'impureté, de l'illégitimité. Mais, donc, moi, au fond, mon travail, il consiste évidemment à reconnaître ce que vous venez de dire sur cette spécificité du problème politique de la représentation et de la personnalisation, de l'incarnation singulière du pouvoir par rapport à sa gestion collective, mais en même temps à montrer qu'elle s'inscrit dans un ensemble d'enjeux et de débats qui traversent l'ensemble de la vie sociale. Et c'est, du coup, vous avez pointé le fait qu'il y a des figures très, très différentes dans mon exposé et puis dans le livre. C'est évidemment tout à fait volontaire. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est de partir de Victoria, de revenir à Napoléon, mais de montrer qu'au fond, des phénomènes très semblables se produisent dans le milieu du théâtre, dans la sphère littéraire. Alors, évidemment, par rapport à ça, possibilité de dire, c'est oui, mais alors, confondez les choses qui, au fond, doivent être distinctes. Mais est-ce que le fait de les rapprocher, bien qu'on sache qu'évidemment, elles sont distinctes, le fait de les rapprocher permet de comprendre quelque chose de plus. Et moi, je pense que ça permet de comprendre quelque chose de plus. Ça permet de comprendre le fait que la démocratie, les démocraties modernes, à la fois héritent de toute une série de théories politiques, ont une part qui est neuve, qui est évidemment la théorie en partie neuve, qui est la théorie de la représentation politique fondée aussi sur le droit naturel moderne, mais elles ont aussi une spécificité qui est de se développer à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle dans un contexte social et culturel nouveau, qui est celui justement de sociétés à très fortes interactions médiatiques. Ce qui fait que, il me semble que dans ces débats, par exemple sur la Révolution, on gagne à regarder, pas simplement à essayer de voir ce qui est spécifiquement politique, mais à regarder ce que j'appelais le recouvrement entre les questions suscitées par la question, les questions politiques de la représentation de la personnalisation du pouvoir et les questions qui sont liées au rôle des médias dans justement ce rapport de proximité-distance, qui fait que, par exemple, l'enjeu se pose très différemment dans la popularité moderne que dans les formes d'acclamation traditionnelle qui, là aussi, étaient le lien du souverain. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais... Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire que la contradiction que l'on voit à l'œuvre à l'intérieur de la représentation, elle a une racine plus profonde. Et cette racine plus profonde, c'est tout simplement la naissance de la société des individus. Et ça, vous avez tout à fait raison de dire qu'il est enrichissant de montrer que cette contradiction n'est pas simplement sur le terrain politique, mais qu'elle est sur un terrain pratiquement anthropologique. Et qu'à ce niveau-là, le mécanisme de la célébrité montre bien comment faire société avec autrui, c'est à la fois reconnaître une singularité et en même temps une forme d'identité à autrui. Et que le mécanisme de la célébrité, il est très intéressant, effectivement, parce que, et Rousseau, évidemment, et par son œuvre, et pas simplement par la façon dont il a souffert de la célébrité, est la personne centrale. Parce qu'il est vraiment celui qui a compris tout à fait en profondeur que la tension qu'il y avait entre l'authenticité et la citoyenneté était le grand problème moderne. Donc ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais on peut aussi dire qu'il est intéressant de comprendre comment, à certaines périodes, sont à l'œuvre des mécanismes qui font que certains deviennent des célébrités et pas d'autres. Repartons, par exemple, de Mirabeau. Personne ne contestera qu'il ait été un des plus formidables orateurs des débuts de la Révolution et qu'effectivement, il a une notoriété, une célébrité, sans commune mesure avec d'autres. Mais dans les débats, si on regarde simplement les débats révolutionnaires, confrontés à des personnes dont les images ne circulent pas beaucoup, comme Sieyès, comme Barnave, comme Roederer, disons les grandes figures intellectuelles de la Constituante, ce sont quand même ces grandes figures intellectuelles qui finalement enthousiasment moins les foules, mais écrivent la Constitution, si je puis dire. Lui beaucoup moins. Mais vous avez raison aussi de dire qu'il faut prendre en compte ces deux choses-là. La Révolution, ce n'est pas simplement la discussion entre Barnave, Sieyès et Roederer, ne serait-ce que parce que, vous le dites à juste titre, c'est que la question du rôle des tribunes a été centrale pendant la Révolution. Il y avait ceux qui disaient « Ouh là là, ne laissons pas entrer les étrangers !» et d'autres, c'était les monarchiens qui disaient beaucoup ça. Et d'autres qui disaient, mais au contraire, il faut que nous délibérions devant le peuple et que nous soyons aussi un théâtre d'une certaine façon. Puisque même Robespierre allait jusqu'à dire qu'il aurait fallu un théâtre de 100 000 places, de 10 000 je crois, pour que tout le monde puisse assister. Donc il y a là aussi la distinction à faire et à comprendre pourquoi des personnes deviennent des célébrités et d'autres ne le deviennent pas, mais que celles qui ne deviennent pas des célébrités n'en jouent pas moins un rôle dans l'histoire qui peut être aussi important. Donc, pour simplifier, je dirais, il n'y a pas que les célébrités qui font l'histoire. Il faut que je réponde à ça, parce que, évidemment, c'est pas du tout ma thèse. Je ne prétends pas qu'il n'y a que les célébrités qui font l'histoire et qu'il n'y a que les célébrités qui sont intéressantes. Mais... D'abord, je voudrais vous préciser deux choses. La première, c'est que justement, vous avez vu, j'ai essayé d'éviter dans l'exposé l'utilisation, peut-être échappé de fois, de dire les célébrités ou un tel est une célébrité. Parce qu'au fond, ce qui m'intéresse, ce n'est pas d'étudier des célébrités en tant qu'elles sont des célébrités. La célébrité, pour moi, n'est pas ni un ensemble de gens et n'est pas non plus le statut de certains individus qui seraient des célébrités alors que les autres ne le seraient pas. C'est un type de relation. La célébrité, c'est un type de relation entre un individu et un public. C'est pour ça que pour moi, il y a célébrité à partir du moment où il y a public. Et ce qui est intéressant, c'est que, justement, aussi bien l'histoire que la sociologie a très largement distingué une étude des publics culturels, des publics de théâtre, des publics littéraires, etc., et la question de l'opinion publique comme facteur politique. Ce qui m'intéresse, c'est de les remettre ensemble. Mais, donc, la célébrité comme phénomène comme relation, comme phénomène relationnel entre un public et un individu, et qui est présente, qui est toujours une question d'intensité. Il n'y a pas des gens, des célébrités et des gens pas du tout célèbres. Il y a des anonymes, en tout cas. Donc, il y a souvent des gens qui sont plus ou moins, dont la relation de célébrité est plus ou moins intense, plus ou moins activée. Hein, Brissot, sans être... Enfin, peut-être, célébrité était peut-être moins... évidente, se manifester sous des formes moins spectaculaires que celle de Mirabeau, mais enfin, néanmoins, était évidemment une figure célèbre. Donc, premier élément. Et du coup, si on dit ça, ce qu'on comprend, c'est qu'il ne s'agit pas de dire on va étudier les gens célèbres et les autres ne comptent pas, mais au contraire, mais de dire qu'est-ce que cette relation fait, comment est-ce qu'elle travaille la question spécifiquement politique, et de dire que cette relation... et ce qu'elle implique n'est pas quelque chose qui serait extérieur à la politique et qui la parasiterait, elle est la réverbération dans l'espace proprement du politique d'une série de transformations qu'effectivement on peut appeler anthropologiques ou sociologiques de la modernité. Et donc, moi, ma réaction, c'est de dire pourquoi ? Ce n'est pas de dire ce qui est intéressant dans la Révolution, c'est que Mirabeau était célèbre, évidemment pas, mais c'est de dire pourquoi est-ce que les dispositifs de la célébrité de Mirabeau, les effets de la célébrité de Mirabeau, ont globalement été évacués ou traité un peu par le mépris dans l'histoire politique de la Révolution. Pourquoi l'histoire politique de la Révolution considère qu'effectivement les débats de la Constituante entre Barnas, Sieyès et d'autres sont politiquement beaucoup plus importants que la célébrité de Mirabeau, y compris en termes politiques. Et il y en a un qui savait qu'il n'est pas le plus mauvais historien de la Révolution et qui savait très bien à quel point elle était importante, c'est Michelet. Et Michelet, l'importance de Mirabeau pour Michelet, notamment les chapitres magnifiques qu'il écrit sur l'enterrement de Mirabeau et sur l'événement fondamental que ça a été, qui est à la fois un événement politique, mais qui est un événement qui ressemble beaucoup justement à des phénomènes d'enterrement de célébrités artistiques. On s'en rappellera au moment de l'enterrement de Talma. Il me semble que c'est un enseignement pour dire que voilà, c'est aussi, il y a aussi des choses politiques, notamment en termes de justement de la façon dont un collectif se pense comme collectif à travers la relation qu'elle établit avec une figure publique qui est au moins aussi politique que les débats théoriques. Nous n'allons pas faire simplement une politique de consensus, mais je pense que vous avez tout à fait raison qu'il faudrait distinguer l'importance intellectuelle de certaines choses et l'importance politique. Je pense qu'intellectuellement, les débats entre Sieyès et Roederer ou Barnave sont plus importants, mais que politiquement, il est aussi important de tenir compte, effectivement, de l'apport, ou de la contribution, ou de la place, ou du rôle de quelqu'un comme Mirabeau, ça je suis tout à fait d'accord. Il y a une question sur laquelle j'aimerais vous interroger, c'est que je suis tout à fait d'accord aussi avec l'idée que la célébrité est une relation. Mais une relation, ça veut dire qu'il y a la dimension démocratique qu'il y a, c'est qu'une possibilité d'appropriation. Alors qu'effectivement, ce qui était de l'ordre de la gloire, il n'y a pas d'appropriation, il y a une contemplation, si je puis dire. Alors que là, la célébrité, on peut s'approprier la célébrité. Je crois que c'est du XVIIIe siècle, des journaux, enfin des pamphlets ou des images que vous avez citées sur Marie-Antoinette aux journaux People d'aujourd'hui, c'est bien la même chose. Il y a un mécanisme d'appropriation. Et ça, c'est extrêmement important de le comprendre. Et c'est au-delà, je dirais, d'une vision dépréciative. Si on ne comprend pas qu'il y a cette dimension positive de l'appropriation, effectivement, je crois qu'on ne comprend pas les choses, quelle que soit, je dirais, la nature de l'objet approprié. Évidemment, entre Justin Bieber et puis Marie-Antoinette et puis une personnalité politique, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais en tout cas, le mécanisme fondamental est bien de même nature, et ça, c'est très, très juste. Comme il ne nous reste plus beaucoup de temps, j'aimerais tout de même, il n'est pas utile de montrer... à quel point ces analyses sont valables pour aujourd'hui. Je crois que ça n'est pas la peine de faire des traductions, tout le monde l'a compris mentalement, instantanément. Mais il y a tout de même effectivement une différence, je l'ai mentionné très rapidement tout à l'heure, c'est que Internet introduit une distinction parce que ça n'est pas un nouveau média. Le changement des médias, de la radio, de la télévision, introduisent des changements quantitatifs, mais pas intellectuellement qualitatif, ne change pas la nature du problème, je suis fondamentalement d'accord avec vous. Mais Internet change complètement. Internet change complètement parce que Internet, pour la première fois, donne en quelque sorte une forme matérielle à l'opinion. C'est-à-dire qu'avant Internet, l'opinion, elle est toujours représentée. Elle est représentée par des voix connues, elle est représentée par des sondages, elle est toujours en quelque sorte approchée par des mécanismes de représentation. Et là, Internet, effectivement, on peut dire, l'opinion publique, elle existe matériellement, elle existe physiquement. Et donc, ça change complètement parce que je suis très frappé du fait qu'on emploie souvent pour Internet des termes qu'on employait pour le terme de peuple au XVIIIe siècle, où le mot peuple, il charriait à la fois le plus inquiétant et le plus rassurant, le plus vulgaire et le plus terrible, et en même temps le plus rationnel. Et Internet, c'est ça aussi. C'est à la fois le rationnel et l'irrationnel, l'inquiétant, le terrible, et puis la délibération publique. Donc comment vous voyez cette rupture ? Ben, je pense qu'on peut dire vraiment cette rupture qu'introduit Internet en changeant le sens même du terme opinion publique, modifie cette question de la célébrité, parce que il y a une diffusion un peu de cette question, non ? Oui, c'est une question qui est très difficile. Hein. Je pas d'expertise précise dans le livre, justement. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a une intensification avec la cinéma, la télévision, etc., mais qui ne modifie pas radicalement les coordonnées du problème. Internet, c'est d'abord, c'est compliqué parce qu'on manque encore de recul, d'études. On a des avis, on observe, voilà, on est en tant qu'observateur, mais on manque, il y a des travaux comme ceux de Dominique Cardon, etc., qui permettent d'essayer de comprendre un peu la manière dont les choses fonctionnent. Ce qui est frappant, pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est à la fois, effectivement, il y a des éléments de rupture en termes de forme de dispositif, de communication, ça c'est très clair, et en même temps, comme vous le disiez vous-même, la façon dont les enjeux portés par, dont les conséquences de ces nouveaux dispositifs sont pensés, reproduit des tensions, des contradictions qui sont finalement dans les termes, en tout cas pour l'instant, dans le commentaire qui est porté dessus, dans des termes très classiques depuis le XVIIIe siècle. C'était Éloge du savoir, le Collège de France, avec aujourd'hui Antoine Lilti, invité au séminaire de Pierre-Auzan Vallon. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet du Collège de France et vous pouvez télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Réalisation Anne Sécheret. Présentation Christine Goémé. Rendez-vous demain avec Marie Dejoux sur la question gouverné par l'enquête, les enquêtes de réparation de Louis IX. Belle journée à tous, à l'écoute de France Culture.